بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc c'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve après cette grande interruption due à cette noble conférence qui a eu lieu avec nos deux nobles aînés, Cheikh Hassan Abou Abdelrahman et Dr Mohamed Diop, hafizahumullah. Et donc nous reprenons, insha'Allah ta'ala, notre programme quotidien à la mosquée Abu Darda, radiyallahu anhu. Et donc le lundi, hein, entre Maghrib et Isha, ça sera l'étude du fiqh. Ça sera l'étude du fiqh. Et après réflexion et après avoir concerté le noble docteur Mohamed Diop, on a décidé, hein, de reprendre les cours depuis le début pour un certain nombre de raisons. Premièrement, hein, nous n'avions pas enregistré les cours que nous avions faits auparavant et certains les demandent. Également, par rapport au livre choisi, nous allons choisir un livre plus simple et plus court et plus concis afin de pouvoir étudier les grandes masaïl, les grands sujets de fiqh plus rapidement. Bi'idhnillah. Et donc nos cours seront l'explication du livre Minhaj As-Salikin, l'imam As-Sa'di. Ce livre que j'ai personnellement étudié avec le noble Cheikh Arafat ibn Hassan ibn Salih al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala. Donc pour toutes ces raisons, inshallah ta'ala, nous reprenons inshallah le début des cours. Et nous allons commencer avec l'introduction du livre. Et je vous rappelle, hein, que l'ulama, que les savants nous ont expliqué lors de la recherche de la science, la meilleure méthode pour apprendre est de premièrement lire le sujet qu'on va étudier avant le cours, c'est-à-dire avant le cours avec le professeur ou avec le cheikh, tu lis le ou les sujets que vous allez étudier. Pourquoi? Afin que tu sois, ou afin que tu aies la connaissance des sujets que le cheikh va mentionner, et donc ta concentration soit plus précise. Ensuite, lorsque le professeur ou le cheikh donne son cours, l'élève doit prendre des notes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et si vous vous rappelez, hein, notre aîné Cheikh Hassan, lors de sa visite, nous a rappelé ce point important, de prendre des notes lors du cours et de ne pas se reposer sur l'enregistrement. Et ça, c'est le conseil des mashayikh, des ulémas, hein, de ne pas se reposer sur l'enregistrement, mais pendant le cours, prendre des notes. Cela permettra d'augmenter la concentration. Cela te permettra de réviser directement après le cours. Et également, beaucoup d'entre nous, malheureusement, se reposent sur l'enregistrement, mais après, hein, le cours fini, l'enregistrement, hein, n'est jamais réécouté et même il finit par être effacé parce qu'il prend trop de place dans le téléphone. Wallahu al-musta'an. Donc l'ulema nous explique, premièrement, on prépare le cours avant de venir. Deuxièmement, on écoute le cours attentivement et on prend des notes. Et enfin, troisièmement, tout de suite après le cours, on révise. On révise les sujets qu'on a étudiés. Pourquoi? Parce que, hein, les informations sont encore fraîches dans notre tête. Et donc le fait de les réviser, de les revoir directement, cela permettra de quoi? De les consolider. Ainsi est la méthode citée par l'ulama, les savants, sur comment étudier la science religieuse. Tayyib. Donc nous commençons, inshallah ta'ala, l'étude du livre dans lequel l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني l'introduction avec Khutbatul Haja que cite ici l'imam, et il nous dit Amma ba'd fa hadha kitabun mukhtasarun fil fiqh. Il nous dit ceci est un livre concis, résumé dans le fiqh. Yani, بعد أن أثنى على الرب سبحانه وتعالى وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف أن هذا الذي كتبه مختصر في الفقه يعني اختصره رحمه الله تعالى. Donc l'auteur du livre, après avoir fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait les éloges sur le prophète صلى الله عليه وسلم, il mentionne que ce qu'il a écrit dans ce livre, c'est quelque chose qui est concis, qui est résumé dans le fiqh. Il l'a résumé. فَجَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ الْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ. Il dit donc, j'ai regroupé dans ce livre, entre les différents sujets, et leurs preuves. Ou et les preuves. يعني حَوَلَا أَنْ يسلك مسلكا وهو مسلك محققين يذكرون المسائل مع أدلتها وإن كانوا في الغالب لا يذكرون كل دليل لكن أشرح المسائل ولكن أشهر المسائل يستفيدون فيها وبها. Et donc ici, il mentionne que l'auteur, il a essayé de prendre la voie des muhaqqiqin. Les muhaqqiqin, ce sont les ulema, les savants, qui sont spécialistes dans le sujet, et dans lesquels ils mentionnent les différents sujets de fiqh avec leurs preuves. Avec leurs preuves. D'accord ? Et même si il ne mentionne pas toutes les preuves de chaque sujet, même si il ne mentionne pas toutes les preuves de chaque sujet. واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. Il nous dit ici l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, et j'ai résumé dans ce livre les principaux sujets, ceux qui sont les plus importants en termes de bénéfices. Pourquoi ? Pour le grand besoin qu'on a besoin dans ces sujets-là. يعني لم يذكر كل المسائل الفقهية أو كل الفروع. لا شك أن هذا ما كان مختصرا إذا ذكر كل شيء. لكن يذكر كما شرح أهم الأمور وهي التي تهم المسلم في عبادته ولهذا قال وأعظمها نفعا ينتفع بها المسلم إذا درسها وفهمها يرفع الجهل عن نفسه فيما يعايش من العبادات سوى العبادات والمعاملات. Ici, qu'est-ce que veut dire l'auteur? Il veut nous dire qu'il n'a pas expliqué tous les sujets du fiqh. Il n'a pas expliqué toutes les branches du fiqh. Parce qu'il n'y a pas de doute que s'il aurait fait ça, ce ne serait plus un mukhtasar. C'est plus un résumé. Mais il a mentionné, comme il l'a expliqué, il a mentionné les principaux sujets, ceux qui sont importants pour le musulman dans son adoration. Et c'est pour ça qu'il dit les plus importantes en termes de bénéfices. Il y en a celles dont le musulman va bénéficier lorsqu'il les aura étudiées et lorsqu'il les aura compris. Alors il va par cela enlever l'ignorance de lui-même, de ce qu'il a en lui, et il pourra ainsi appliquer ou accomplir les adorations. Et également le mu'amalat, c'est-à-dire les relations avec les autres personnes. وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم فيه واضحا. Il dit, et là, dans la plupart du temps, j'ai résumé le texte si le jugement concernant ce sujet est clair. يعني أثقل الحديث والآية ولا أشير إلى الاستنباط يكفي النص واضح ظاهر. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que lorsque le sujet, la preuve, elle est claire, il mentionne juste la preuve. Il n'a pas besoin de mentionner comment comprend-on la preuve pour retirer le jugement de cette preuve. D'accord? Comme par exemple, lorsqu'Allah SWT dit وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ et accomplissez la prière. Est-ce qu'on a besoin de dire oui, mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre qui veut dire non, c'est clair. Là, quand il dit accomplissez la prière, on comprend directement que la prière est obligatoire. Donc il veut nous dire ici, l'auteur, que lorsque le jugement est clair, il mentionne juste le texte. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ce texte vient prouver telle ou telle chose. Fahimtoum, vous avez compris. Hassan. لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. Pourquoi il a fait ça? Afin de faciliter la mémorisation et la compréhension pour les débutants que nous sommes. C'est-à-dire que le fait qu'il mentionne juste le texte sans expliquer en détail pourquoi ceci est plus facile pour nous afin de l'apprendre et le comprendre. Voyez? لأن العلم معرفة الحق بدليله. Très important. Ça, ça doit être écrit dans vos cahiers et ça doit être appris par cœur. Parce que العلم, la science ou la connaissance, c'est quoi? معرفة الحق بدليله. Le ilm, la science, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité avec sa preuve. Avec sa preuve. La science ou la connaissance, c'est la c'est le fait de connaître la vérité avec sa preuve. Ça, c'est l'ilm. C'est pas le fiqh là, on n'est pas dans le fiqh là, on est dans l'ilm. Et l'ilm, la science de façon générale. هذا هو الذي يميز العالم وطالب العلم عن باقي الناس يحفظ العلم بدليله يعرف الحلال بدليله يعرف الحرام بدليله يعرف السنة من البدعة بالدليل يعرف الشرك من التوحيد بالدليل وهذا ما يميز أهل السنة عن غيرهم أهل السنة لا يذكرون شيئا ولا يتطرقون إلى أصل أو فرع إلا بدليل ميزوا عن جماعة التبرير وأن إخوان المسلمين وغيرهم من أهل البدعة لا يذكرون ولا يتعبدون إلا بدليل. Et donc cette définition, mes frères et mes sœurs, du ilm, de la science, ma'rifatul haqq bi dalilihi, la connaissance de la vérité avec sa preuve, ceci est ce qui vient différencier le savant et l'étudiant en science du reste des gens. Le savant ou l'étudiant en science va connaître la science avec ses preuves. Il va connaître ce qui est halal avec les preuves. Il va connaître ce qui est haram avec les preuves. Il va différencier la sunna de la bid'a avec les preuves. Il va différencier le tawhid du shirk avec les preuves. Ainsi est la différence entre le savant et l'étudiant en sciences et le reste des gens. Les restes des gens, ils savent qu'il ne faut pas faire de chiffres, ils savent qu'il faut prier, ils savent qu'on peut... Est-ce qu'ils sont capables de sortir l'alcool, la preuve? Non, la plupart d'entre eux ne peuvent pas. Mais le savant ou l'étudiant en sciences, celui qui a recherché la science, qui a appris, alors lui, il va savoir avec preuve. Et ceci aussi est ce qui fait la différenciation entre les gens de la sunna et les autres. Les gens de la sunna, ils ne vont rien mentionner. Ils ne vont rien croire parmi les fondements ou les branches de la religion, excepté avec la preuve. Ils vont se différencier de tous les autres groupes, que ce soit les Tablir, Ikhwan al-Muslimin ou autres parmi les groupes égarés. Ils vont se différencier parce que eux, les gens de la sunna, ils ne vont rien mentionner, ils ne vont rien faire dans l'adoration, excepté s'ils ont une preuve. Ensuite, il nous dit, al-mu'allif, l'auteur, wal-fiqhu ma'rifatul ahkami al-shar'iyyati al-far'iyyati bi-adillatiha min al-kitab wa-sunna wal-ijma'i wal-qiyas al-sahih. Ensuite, il donne la définition du fiqh. Il nous dit, le fiqh, c'est la connaissance des jugements religieux subsidiaire, qui ne fait pas partie des fondements, avec leurs preuves tirées du Coran et de la Sunna et de l'Ijma' et le consensus et du Qiyas Sahih, ni de l'analogie correcte. Ça, c'est la définition du fiqh dans le jargon religieux. La connaissance des jugements religieux subsidiaire, un qui ne fait pas partie des fondements, avec leurs preuves tirées du Coran et de la Sunna et du consensus al-ijma et de l'analogie correcte. Si je peux vous donner un conseil, mes frères et mes sœurs, lorsque vous prenez des notes, parce que le professeur, nous on est entre frères, on révise. Mais quand vous êtes devant un shir, le shir ne va pas répéter mot pour mot et attendre que tout le monde a écrit. Vous voyez, ce que vous faites, vous écrivez. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous laissez un trou, mais vous continuez la phrase que ce que vous entendez du shir ou du professeur, et vous laissez des trous. Parce que sinon, si vous réfléchissez, qu'est-ce qu'il a dit, boum, la phrase est partie, vous avez tout raté. Mais laissez le trou. Après, vous avez vos notes avec plein de trous à droite, à gauche. Et c'est là que vous utilisez l'enregistrement. C'est là que vous notez l'enregistrement et vous réécoutez et vous complétez les trous. Mais si vous êtes là à réfléchir, qu'est-ce qu'il a dit, il y a déjà 2-3 minutes qui est passé et vous avez raté tout ce qu'il a dit. Donc faites comme ça, vous écrivez, il y a quelque chose, vous avez oublié, boum, vous ne comprenez pas, vous passez, vous laissez un trou et vous comprenez et vous complétez. Taïb. Al-fiqh fi l'ugha bima'na al-fahm. Ça, tout le monde le connaît. On a déjà dit plusieurs fois, à maintes reprises, quand on étudie un sujet dans la religion, il y a toujours le sens linguistique, c'est-à-dire le sens de ce mot chez les Arabes, dans la langue arabe, et le sens du mot dans le jargon religieux. Et on prend toujours le même exemple qui est très parlant. As-salah. Dans la langue des Arabes, ça veut dire quoi, as-salah? Ad-du'a. Chez les Arabes, as-salah, ça veut dire dua, invoquer, l'invocation. Mais dans le jargon religieux, c'est quoi as-salah? At-ta'abbud lillah, hein? C'est une adoration faite pour Allah, avec des gestes bien précis, des paroles bien précises, qui commencent par le takbir, le premier takbir, et qui terminent par le taslim. Donc il y a toujours une définition religieuse et une définition linguistique. Ici, le fiqh, ça veut dire quoi chez les Arabes, le fiqh? Ça veut dire le fahm, al-fahm, la compréhension. Ça veut dire la compréhension. D'où on tire ceci, hein? فبهذا يقوم الشعيب لما جدلوه قالوا له ما نفقه كثير مما تقول. Lorsque Allah Azza wa Jal nous mentionne le récit du peuple de Shu'aib alayhi salam, et lorsqu'ils ont débattu avec Shu'aib. Ils lui ont dit quoi à Shu'aib? Ma nafqahu kafilan mimma taqul. On ne comprend pas. Et ils ont dit, là, ils ont utilisé le verbe quoi? Faqaha. Fa, qaf, ha, comme fiqh. Nous ne comprenons pas beaucoup de ce que tu dis. Ma'a annahum ma ursila ilayhim illa bi lisani qawmihi. Hum istikbaran wa inadan qalu ma nafqahu kathila mimma taqul. Yani ma nafham ma taqul ya Shu'aib. Ila madha tad'u la la nafham. Donc le peuple de Shu'aib, ils ont dit, on ne comprend pas grand chose de ce que tu dis, malgré le fait que Shu'aib a été envoyé à son peuple avec leur langue. Ils parlaient leur langue, ils parlaient des mots et des phrases qu'ils connaissaient. Mais eux, par orgueil, hein, et par fierté, ils ont dit, on ne comprend pas grand chose de ce que tu dis. Yanni, on ne comprend pas les paroles que tu mentionnes. On ne comprend pas à quoi tu nous appelles. Donc là, on voit que le sens de fiqh, c'est quoi? Fahm. Ça, c'est dans la langue arabe. Amma al-ma'na inda al-ulama kama dhakar al-mu'allif. Ma'alifatul ahkam al-shar'iyya. Ay, al-hukm al-shar'i wa qila lahu shar'i li anna hu ja'a min jihati al-shar'a. Min al-kitab wa sunnah. أو الإجماع لأن الإجماع كذلك من شرعنا أو القياس فمن هنا يؤخذ العلم لا سيما الفقه وزيد لهذا قول الصحابة إذا جاء النص الصحيح عن الصحابة أن يعني الخلفاء فهذا يستدل به ويؤخذ منه الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنة الخلفاء الراشدين أمر بالتمسك بها فوصفهم بأنهم خلفاء وبأنهم مهديون وأنهم راشدون ثم جعلهم السنة ثم أمر بالارتداب هذه السنة والتمسك بها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ. Donc ici, dans le jargon des ulema, des savants, c'est quoi le fiqh? Comme il a cité l'auteur, la connaissance des règles religieuses. Ani shar'iyya. Shari'a, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceci est venu d'où? Est venu de la législation, du législateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ces règles sont venues du Coran, de la Sunna et du consensus. Car comme on l'a dit à maintes reprises, le consensus fait partie des preuves, fait partie de notre législation. Le consensus, le fait que tous les ulema sont d'accord sur un sujet, ceci fait partie de quoi? De la religion, de la législation. Également, hein, l'analogie, comme on va voir plus tard. Donc, de ces choses-là, on prend notre science. Et plus particulièrement le fiqh. Et on peut rajouter quelque chose d'autre à cela. Qu'est-ce qu'on rajoute? La parole des sahaba. Plus particulièrement, la parole des khulafa, hein, des califes bien guidés. Si un texte authentique est venu des califes bien guidés, alors on le prend comme preuve. Et on l'utilise dans les jugements. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre la sunna des califes bien guidés. Il nous a ordonné de s'y tenir, de s'y accrocher. Et il les a décrits comme étant des califes bien guidés. Et il a dit qu'ils ont une sunna. Et il nous a ordonné de s'y accrocher. Comme dans le hadith qui est très connu, accrochez-vous à ma sunna. Et à la sunna des califes bien guidés. Mordez-y avec vos molaires. Mordez à quoi? À la sunna du prophète et des califes bien guidés. Radiallahu anhum, qui sont Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali, radiallahu anhum ajma'in. Donc voilà pourquoi ici, Cheikhouna Cheikh Arafat mentionne qu'on peut rajouter à ces quatre sources on rajoute la parole à un des califes bien guidés. Car elles font partie de la législation. ثم قال المؤلف الفرعية يريد بذلك أن هنا شيء يقال له في الفقه أصول يعني أصول الفقه ومن المعروف الفقه يحتاج أن تدرس أصول الفقه حتى تفهم الفقه فهما صحيحا وهنا نعم donc ici il dit فرعية qu'on pourrait traduire par subsidiaire. C'est-à-dire, ce n'est pas les fondements, c'est les branches. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir, mes frères et mes sœurs, qu'il y a une science qu'on appelle « usul al-fiqh », c'est-à-dire les fondements du fiqh. D'accord ? Par lesquels on va connaître les fondements sur lesquels est basé le fiqh. Et afin de comprendre le fiqh, on doit connaître ses fondements afin d'avoir une compréhension correcte et juste. فالمقصود بالأصول القواعد العامة التي تندرج تحتها الفروع الكثيرة. Ça veut dire quoi أصول الفقه? Ça veut dire quoi les fondements du fiqh? C'est-à-dire les règles générales desquelles va découler les branches ou de nombreuses branches dans le fiqh. Mifel, on donne un exemple pour que vous compreniez bien. Qa'idatun, ammatun, al-aslu fil amr, al-wujub. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu salat, wa atu zakat. Al-amru yaqtadi al-wujub. Fahada mas'ala far'iyya. يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج كل هذا فروع تندرج تحت القاعدة العامة الأصل في الأمر يقتضي الوجوب فهمتم؟ On donne un exemple. Il y a la règle générale. C'est quoi la règle générale? L'ordre implique l'obligation. L'ordre implique l'obligation. Ça c'est général. Est-ce que j'ai donné un cas particulier ici? Non. J'ai dit que chaque ordre qu'on trouve dans les textes, ça implique quoi? Une obligation. Allah Azza wa Jalla nous dit quoi dans le Coran? Et accomplissez la prière et donnez la zakat. C'est un ordre ou c'est pas un ordre? En français, on dit quoi? Impératif. Accomplissez. Wa aqimu salat. C'est un ordre. Donc l'ordre ici, il vient impliquer quoi? L'obligation. Parce que c'est un ordre, donc ça implique l'obligation. Donc ici, c'est quoi la règle générale? L'ordre implique l'obligation. C'est quoi ici la branche subsidiaire? C'est que la prière est obligatoire. Vous comprenez la différence? Et donc, en dessous de cette règle générale, l'ordre implique l'obligation, on va voir des dizaines, des centaines de branches. La salat est obligatoire, la zakat est obligatoire, le hajj est obligatoire, le hajj du mois de Ramadan est obligatoire, obéir aux parents c'est obligatoire, ne pas manger, etc., etc. Donc tout ça c'est les branches. Donc ces branches on les étudie dans quel domaine? Dans le fiqh. Mais la règle générale on l'étudie dans quel domaine? Usul ou le fiqh. Annie, les fondements de la religion. Ou les fondements plutôt du fiqh. Vous avez compris? Hein? Wadih. طيب. وكذلك يقال deuxième exemple afin qu'on comprenne. الأصل في النهي التحريم. هذا يسمى دليل عام لأن تدخل تحته كثير من الفروع. فنقول الزنا لا يجوز حرام لأن الله قال ولا تقربوا الزنا. هذا النهي. وفي القاعدة العامة وفي القاعدة العامة النهي يقتضي التحريم فهذا المقصود بقوله الفرعية. Deuxième exemple. L'interdiction implique le caractère illicite. C'est haram. Pardon. L'interdiction. Lorsqu'il y a un interdit, ça implique que c'est haram. Ça implique que c'est illicite. De cette règle, on retire une branche. Que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne vous approchez pas de la fornication. Ici, il y a une interdiction ou pas? Allah dit, ne vous approchez pas, c'est une interdiction. Donc ça veut dire que la fornication est quoi? Haram, illicite. Parce que la règle générale, c'est quoi? L'interdiction implique le caractère illicite. Donc la règle, c'est ça. Et après, les branches, interdit de mentir, interdit de forniquer, interdit de boire de l'alcool, interdit de manger du porc, etc. Parce que c'est venu en interdiction. D'accord? Et comme on va voir plus tard dans nos cours, cette règle, elle est générale. D'accord? C'est qu'elle est applicable donc de manière générale. Mais il est possible qu'il y a des textes qui viennent restreindre cette règle. On va le voir plus tard. Mais c'est pour que vous compreniez pourquoi l'auteur ici, dans la définition du fiqh, il a dit que c'est la connaissance des jugements religieux subsidiaires. Il fait partie des branches, pas des usul. Là, on va pas parler de usul fiqh. On va parler des branches qui découlent justement de ces fondements. Fahimtoum? Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, waqtasaltu ala al-adillati al-mashhura khawfan min at-tatwil. Il dit, je me suis contenté de mentionner les preuves qui sont connues. De peur que quoi? Que le livre soit trop long. Il mentionne les preuves qui sont claires dans le sujet. Mais s'il mentionnait toutes les preuves, le livre, il ferait des volumes et des volumes, comme ils ont fait d'autres ulémas dans les livres de fiqh. Il y a des livres de fiqh qui sont comme ça, un livre, un petit livre. D'accord? Il y a des livres de fiqh qui font 15 volumes. Al-Mughni d'Ibn Qudama, il fait 15 volumes, par exemple. Et d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont détaillé. Ils ont mentionné tout ce qu'ils pouvaient sur le sujet. Il y a des livres qui sont condensés, il y a des livres qui sont de taille moyenne, il y a des livres qui sont développés. D'accord? Et l'étudiant en sciences, il va par étapes. Il commence par les petits livres résumés. Et ensuite, il passe petit à petit, jusqu'au jour où, bi'idhnillah, il arrivera à lire dans les grands livres, là où les sujets sont développés en détail. Fahimtoum? وقال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Il nous dit, et si il y a un sujet où il y a une divergence, personne n'est censé ignorer que dans le fiqh, il y a des sujets où il y a eu des divergences entre les savants. On sait tous que dans l'aqida, dans la croyance, il n'y a pas de divergence. Al-Sunna, ils ont la même croyance. Mais dans le fiqh, ils ont divergé. Donc ici, il dit le shir, l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, s'il y a des sujets à divergence, alors je me suis contenté de mentionner l'avis qui est le plus probable, qui est le plus juste pour moi. En me basant, bien sûr, sur les preuves légiférées. Et on a vu les preuves légiférées viennent d'où? Du Coran, de la Sunna, du consensus et du qiyas. Il y a une analogie qu'on verra plus tard, inshallah ta'ala. Fahimtoum? Ensuite, l'auteur, et ça c'est très important, il mentionne al-ahkam khamsa. Ça c'est très important. Et si vous voulez comprendre le fiqh, vous devez maîtriser ces sujets-là. Ça c'est quelque chose qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Ce sont les cinq jugements. Il y a le ma'ruf inda al-usuliyin. Il y a le ma'ruf inda al-usuliyin. Tuthkar fi kutub al-usul, lakin arada min bab al-tafkir. Ces cinq jugements, c'est ceux qui ont été mentionnés par les savants du usul, des fondements du fiqh, et qu'on trouve dans les livres de usul fiqh, de fondements dans des livres des fondements du fiqh. Mais ici, l'auteur a voulu les mentionner afin de nous rappeler cette chose très importante. Donc les cinq jugements dans les sujets de fiqh sont le premier, el-wajib, qu'on peut traduire par obligatoire, l'obligatoire, ce qui est obligatoire. Et ici l'auteur il dit, wa huwa ma uthiba fa'iluhu وَعُوقِبَ تَعْلِكُهُ. Attendez avant d'écrire. Il a dit, c'est celui qui est récompensé pour le faire, ou c'est le wajib, l'obligation, c'est ce que, pourquoi on est récompensé d'avoir fait, et on est châtié pour l'avoir délaissé. Ici, Cheikhouna Cheikh Arafat, hafidhahullah ta'ala, dit, فِي الْحَقِيقَ هَذَا التَّعْرِيفِ فِيهِ نَقْصِ الصَّحِيحِ هُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابِ لأن الإنسان قد يفعل الواجب ولكن لا يمتثل الشرع كالمنافقين أليس هم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم هل يثابون على أفعالهم لا أبدا هم لا يثابون هم من أهل النفاق أهل الكفر فَفَعَلُوا الْوَاجِبِ فِي صُورَتِهِ لَكِنْ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُثَابُونَ لِأَنَّهُمْ مَا فَعَلُوا امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il dit ici, Cheikh Arafat, hafidhahullah ta'ala, en réalité, dans cette définition qu'a donnée l'auteur, il y a un manquement. Ce qui est correct de dire, c'est que l'obligatoire, c'est quoi? Ce qui est obligatoire, c'est... C'est tout ce qui est fait et dont son auteur, non, ou plutôt on dit, c'est ce que l'auteur ou ce que la personne fait et qu'elle est récompensée pour l'avoir fait par obéissance. Et elle mérite le châtiment si elle le délaisse. D'accord ? C'est-à-dire, hein, ce qu'on fait et on est récompensé pour l'avoir fait si on l'a fait par obéissance et on mérite. Hein, on mérite le châtiment si on le délaisse, si on délaisse cette chose. Pourquoi on a rajouté par obéissance? Parce qu'il est possible qu'une personne fasse une chose obligatoire, mais elle n'est pas récompensée. N'est-ce pas que les hypocrites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils priaient, est-ce qu'ils sont récompensés pour cela? Jamais! Parce qu'ils font partie des gens de l'hypocrisie. Ils font partie des gens de la mécréance. Ils ont fait le wajib, ils ont fait l'obligatoire. De façon apparente. Mais en réalité, ils ne sont pas récompensés. Parce qu'ils n'ont pas fait par obéissance de l'ordre d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahimtoum ? Hein ? Ça c'est le premier, c'est quoi ? L'obligatoire. Le wajib. Ouais, vous pouvez écrire maintenant. Hein? Ce qui est fait et dont l'auteur sera récompensé s'il l'a fait par obéissance, et il mérite le châtiment s'il le délaisse. Deuxièmement, al-haram. Il dit le shir, diddou. Al-haram, l'interdit. C'est le contraire du obligatoire, du wajib. وكذلك نودي الشيخ الشيخ عرفات كذلك الجزم بأنه يعاقب التارك فيه صعوبة لكن نقول واستحق العقاب تاركه لأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ما لم يصل إلى حد الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc si on prendrait la définition du haram, de al-haram, qui est le contraire du wajib, c'est-à-dire que celui qui le délaisse par obéissance, il sera récompensé. Et celui qui le fait, alors il mérite le châtiment. Pourquoi on dit il mérite? On ne dit pas il aura le châtiment. Ça c'est très important. On dit qu'il le mérite parce qu'il est en fait sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il n'atteint pas, bien sûr, le degré de mécréance ou de shirk. En dessous de la mécréance ou du shirk, quoi qu'il fait comme interdit, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah peut lui pardonner son péché ou Allah peut le punir par justice. C'est pour ça qu'on dit que celui qui fait le haram, il mérite le châtiment. Et on ne dit pas il aura le châtiment. On ne sait pas. Peut-être qu'Allah va lui pardonner. Fahimtoum. Troisièmement, al-masnoun. Al-masnoun, ce qui est recommandé. Ce qu'on pourrait dire aussi par al-mustahab. Ou al-masnoun. Wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Nous dit Cheikh Sa'di, rahimallahu ta'ala. C'est-à-dire, celui qui le fait, il sera récompensé, et celui qui le délaisse ne sera pas châtié. Là, pareil, on rajoute « ma uthiba fa'ilu imtithalan wa la yu'aqab tariku ». Donc là, pareil, on rajoute « celui qui le fait par obéissance ». C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait par obéissance, et donc on est récompensé. Mais si on le délaisse, on n'a pas de châtiment. On ne mérite pas le châtiment. Hein? Comme par exemple quoi? Assiwak. Vous connaissez tous Assiwak, qu'on utilise pour laver les dents. Hein, ce bâton. Avant la prière ou pendant les ablutions. C'est quoi? Mustahab, masnoun. C'est une sunna. Hein, c'est bien de le faire. Si on le fait par obéissance, on a quoi? On sera récompensé. Mais si je ne le fais pas, est-ce que je mérite le châtiment? Non. Pourquoi? Parce que c'est mustahab. Ani c'est masnoun. Vous comprenez? Ça c'est le jugement combien? Troisième jugement. Quatrième jugement. Al-makruh tidduhu, nous dit le shir al-Sa'di. Al-makruh, c'est ce qui est détestable. Ani c'est le contraire du recommandé, du masnoun ou du mustahab. Naqul ma uthiba tarikuhu imtithalan wa lam yu'aqab fa'iluhu. C'est-à-dire, celui qui le délaisse par obéissance, il sera récompensé, mais celui qui le fait, il n'aura aucun châtiment. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple le fait de dormir entre Maghrib et Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de dormir entre le Maghrib et Isha. Et ni c'est un interdit qui est au niveau de quoi? Du détestable. C'est-à-dire que si je le délaisse par obéissance, je serai récompensé. Mais si je le fais, est-ce que je suis châtié? Non. C'est détestable seulement. D'accord? Et enfin, le cinquième, c'est quoi? El mubah. Ce qui est permis. Ce qui est permis. Ou alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. C'est-à-dire que le fait de le faire ou de ne pas faire, c'est la même chose. Manger, boire. Ni je suis récompensé, ni je suis châtié. C'est permis. يعني سواء فعله أو تركه فالحكم واحد لا يقال إنه مستحق لكذا أو إنه يثاب إلا نودي الشيء عرفات إذا كان يتقوى فعله المباح على طاعة الله مثلا الذي ينام لأنه يريد أن يقوم في الليل الأصل في النوم مباح لكن جعل النوم هنا حتى يتقوى على عبادة الله فكل ما كان مباحا أراد به الخير أو أراده وسيلة إلى أن يسيل الخير فالوسائل لها أحكام المقاصد هذه قاعدة فقهية مشهورة. Concernant le permis, ce qui est permis. C'est-à-dire que si on le fait ou si on le délaisse, c'est le même jugement. Ni on mérite le châtiment, ni on est récompensé. Excepté, nous dit Cheikh Arafat, si on le fait avec l'intention de se renforcer pour adorer Allah, pour obéir à Allah. Comme par exemple, quelqu'un qui va dormir tôt, hein, parce qu'il veut se lever la nuit pour prier. La base, c'est que le sommeil, le fait de dormir, c'est permis. Je dors, ni j'ai des récompenses, ni j'ai des péchés. Mais si je vais dormir afin que je sois en forme, hein, la nuit pour prier, alors là je serai récompensé. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui est très connue, hein, justement, dans les fondements du fiqh, c'est que les moyens ont le jugement, hein, du but ou de l'objectif. C'est-à-dire que tout ce que tu vas prendre comme moyen, hein, pour arriver à ton objectif, à ton but, ça a le même jugement. Taïbla, ici, le but, c'est quoi? Me prier la nuit. C'est obligé, c'est quoi? C'est quelque chose qui est mustahab, qui est recommandé, qui est bien, d'où je serai récompensé. Donc, si je dors pour être en forme pour prier, ça, c'est un moyen. Donc, ce sommeil-là, il est mustahab, il est récompensé, etc. L'inverse, pareil. Si je dois voyager pour aller faire du haram, donc le but, c'est quoi? Faire le haram. Ce voyage que j'entreprends, c'est le moyen pourquoi? Pour aller faire le haram. Donc ce voyage-là, il est haram. Et je mérite le châtiment si je le fais. Vous avez compris? Donc la cause ou le moyen a le jugement du but ou de l'objectif. Fahimtoum? Donc ça, c'est les quoi? C'est les cinq jugements. Ça, il faut les connaître par cœur, mes frères. Ça, il faut les maîtriser. Et la semaine prochaine, au début du cours, j'interrogerai nominativement Fulan, qu'est-ce que ça veut dire ça? Etc. Et c'est comme ça que les informations vont rentrer. C'est comme ça que la science va s'ancrer en vous. Et si vous écoutez, hein, ou si vous assistez au durus des mashayikh, certains mashayikh, ils interrogent. Ya Fulan, Koum, lève-toi devant tout le monde. Ma ma'na al-wajib. Ça veut dire quoi le wajib? Devant tout le monde, il doit répondre. Hein? Inch'Allah ta'ala, on interrogera en début de cours la semaine prochaine pour voir ceux qui ont révisé et appris. Et il nous dit, on finit juste le paragraphe là, c'est bientôt l'heure. Hein? Non, on finit juste la fin de cette introduction. وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمْ مِنَ الْفِقْهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ. Et il nous dit ici, il est obligatoire pour le mukallaf. Le mukallaf, c'est celui qui est responsable. Il y a celui qui est responsable de ses actes. Hein? C'est-à-dire celui qui atteint la puberté, qui est digne de raison, qui est digne de, qui est doué de raison, pardon, qui est doué de raison, etc. Il est obligatoire pour lui d'apprendre du fiqh ce qu'il a besoin dans ses adorations et dans ses relations avec les gens. لأن الفقه تحتاجه دائما وأبدا في عبادتك وفي معاملتك. والمقصود بالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغ وصار يكتب عليه وهو كذلك عاقل ليس مجنونا يقال له مكلف والعقل ومحال التكليف. Donc ici, le fiqh, tu en as besoin dans toute ta vie. Tu as besoin du fiqh dans tes adorations et dans tes relations avec les gens. Et ici, quand il parle du mukallaf, pardon, quand il parle du mukallaf, c'est quoi? C'est celui qui a atteint la puberté et qui est doué de raison. D'accord? Parce que lorsque tu atteins la puberté, ça y est, tes œuvres sont écrites. Ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, tout est écrit. Également, quand on dit qu'il est doué de raison, c'est-à-dire qu'il n'est pas atteint de folie. Hein? Il sait, il comprend les choses. D'accord? Il n'est pas atteint de folie. Et enfin, il termine le chapitre et dit. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Et il finit avec ce hadith très connu dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui pour qui Allah veut un bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et ce حديث رابورت بار الإمام البخاري ومسلم قال العلماء من لم يرد الله به خيرا فلا يفقه في الدين. إذن الخيرية في الفقه في الدين تتفقه في أحكام الكتاب والسنة. Et les ulémas ont dit, ont mentionné, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend que celui pour qui Allah ne veut pas un bien, il ne donne pas la compréhension de la religion. Donc le bien, il est dans quoi? Le bien est dans la compréhension de la religion et dans la compréhension des jugements du Coran et de la Sunna. Fahimtoum? Et on va s'arrêter là, bi'idhnillah. Hein? Ensuite, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. C'était une introduction qui nous permet, hein, d'avoir des bases, hein, pour comprendre les sujets qui vont venir, Inch'Allah. Fajazakum Allahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.